going to beat you up at the end of the night. Tout petit à bain, tout est tranquille dans mon gîte. Ma folle de femme se met à grouiller à sa gîte. Commence à parler d'affaires dont dites. Le genre de discussion que t'as intimement dans ton lit. Mais elle décide de sortir ça devant la visite. Elle voulait que je me fasse vasectomiser. J'ai dit c'est pas le temps là, pas placide. En plus je pouvais pas dire oui, ça aurait été comme dire que j'en ai une petite. Fallait que je monte où j'habite, c'est moi qui règle la conduite. Fait que c'est pas trop dur, imaginez la suite. Elle m'a dit mon pit, si tu le fais pas, je te quitte. J'ai dit ma petite, t'as menacé pas trop l'inréussite. Si tu veux crisser ton camp, fais-le pis fais-le vite. Mais tout d'un coup, elle s'est mise à parler de Lorena Bobbitt. Ouch! Pas parce que ta sœur l'a fait avec son mari qu'il faut qu'on l'imite. T'as dit qu'elle est plus heureuse, c'est un mythe, à part ça. C'est pas parce qu'on a déjà 5 flots que j'en veux pas 8. Tu sais que c'est pas bon, tu mets de limite. Puis pourquoi t'en veux un ma bite? Si tu veux plus d'enfants, t'as juste à te faire ligaturer. Pourquoi serait moi qui serais torturé? C'est déjà assez de temps duré. Tu veux que je prenne mon sperme puis que je le fasse emmurer. C'est une atteinte à ma liberté d'éjaculation, c'est assuré. Pis en plus, tu penses pas au pays, si c'est que le taux de natalité le plus petit. Si on réussit à repeupler le Québec, ils vont bien nous donner un prix. Comme toujours, j'suis un incompris. Puis tu le sais bien, j'aime pas les médecins. Pis qu'est-ce que c'est que ça va changer à nos liens, rien. Pis les Éthiopiens, tu as-tu pensé aux Éthiopiens? Pis ma maîtresse aussi en en veut un petit bambin. Oups! Cette journée-là que ma femme a décidé de sacrer son camp. Elle partant avec les enfants, la moitié de l'argent. Puis elle est même partie avec les divans. Elle m'a juste laissé le chien à 3 patins continents. Moi j'ai prouvé mon point puis j'ai tenu mon bout. Ma maîtresse est partie avec un autre bout. Fait que m'a devenu pas un star pour au moins faire de l'argent avec mon bout.